décidé demain. Je prends soin de ma santé. Déjà j'arrête de picoler. Ça rend ignare, ça rend bavard. Mais surtout, par-dessus tout, ça enlève l'espoir, le petit pinard. Demain, j'arrête de picoler. C'est décidé demain. J'arrête les basses, les sticks, les spliffs. Je bade à longueur de journée. C'est pas la bonne solution, je sais. Ça te rend stupide. Et ton regard avide prouve bien que tu es vif. J'arrête les basses, les sticks, les spliffs. J'arrête les basses, les sticks, les spliffs. C'est décidé demain. Je prends soin de ma santé. Je ne me fie plus qu'à moi-même. Même si j'aime qu'on m'aime, que j'aime parce qu'on m'aime quand même. Je t'aime. Je t'aime parce que tu m'aimes. C'est décidé demain. Je prends soin de ma santé. C'est décidé demain. Je prends soin de ma santé. C'est décidé demain. Je prends soin de ma santé. C'est décidé demain. Je prends soin de ma santé. Mais je ne veux pas arrêter.